إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda. L'auteur Abdussalam Suhaimi hafizahullah nous dit Manhaj al-Salaf fi al-Aqida, la voie des pieux prédécesseurs dans le domaine du dogme, dans le domaine de la croyance. Yatalakhasu manhajuhum fi ma yali, leur voie, leur cheminement se résume en ce qui va suivre. Awalan, premièrement, hasruhum masdar at-talaqqi fi bab al-i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa fahmihim lin-nusus ala dawi fahm as-salaf as-salih. Donc, il restreint la source d'où ils prennent le chapitre du dogme seulement dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils comprennent les textes à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs. ثانياً, deuxièmement, احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحاداً. Ils s'argumentent avec l'authentique de la sunna, les hadiths sûrs et authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine du dogme. Et que ces hadiths authentiques soient des hadiths mutawatir ou des hadiths ahad. Al hadith al mutawatir, c'est un hadith qui est rapporté par beaucoup, plusieurs compagnons. Il y a beaucoup de narrateurs parmi les compagnons qui l'ont rapporté. On appelle cela mutawatir. Ahad, c'est rapporté par un, deux, très peu, et en général par un compagnon. Certains ont fait la distinction entre les hadiths qui sont rapportés par un compagnon et ceux qui sont rapportés par plusieurs, beaucoup de compagnons, en prétendant que ça ne suffit pas pour le hadith qu'il soit authentique. Ceci suffit seulement dans la pratique rituelle, dans le culte. Mais dans le domaine du dogme, il faut que le hadith soit mutawatir, il soit rapporté par plusieurs. S'il est rapporté par un, ça ne suffit pas. Et là, ils ont amené une innovation dans l'islam. Car l'essentiel, c'est que la chaîne de narration, elle soit sûre, elle soit authentique. Même si c'est qu'un seul sahabi, compagnon, qui l'a rapporté. Et c'est pour cela qu'il y a des ulama de la sunna qui ont écrit des ouvrages spécialement pour démontrer la vérité à ce sujet. Qu'on s'argumente avec le hadith authentique dans le domaine dogmatique, que ce hadith soit ahad ou qu'il soit mutawatir. En plus, en faisant cela, eh ben, ils vont rejeter la majorité des hadiths. Car la majorité des hadiths, ils sont ahad, ils ne sont pas mutawatir. Donc, en appliquant cette règle, ils rejettent beaucoup de hadiths. Parfois même, ils sont en totale contradiction. À titre d'exemple, comme le précise Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans la prière, et là c'est un acte d'adoration, donc le hadith al-Ahad pour eux, pour ces gens, ces sectes qui prétendent cela, il n'y a pas de problème. Donc ils vont le mettre en application. Mais dans la croyance, non. Alors ils se trouvent dans des embarras. Ils prennent un hadith dans lequel il est dit que quand on a terminé le tashahhud, at-tahiyyatu lillah, après on a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien la sunna veut qu'on dise un dua, qu'on demande la protection à Allah contre quatre choses, en disant Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal. Donc de demander la protection à Allah contre le châtiment de l'au-delà, le châtiment de la tombe, des tourments de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, et contre le mal et l'épreuve de l'antéchrist. Dans cette dua, on demande la protection contre le châtiment de la tombe. Et il y en a parmi eux qui ont renié le châtiment de la tombe. Et ils ont dit qu'il n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de hadith mutawatir qui le dit. Mais les hadiths qui le citent, ce sont des hadiths ahad. Alors d'un côté, ils n'y croient pas, mais en mettant en pratique le hadith, ils demandent à Allah de les protéger contre une chose qu'ils n'y croient pas. Vous avez vu la contradiction ? Wal'iyadhu billah. Voilà les mauvaises règles, où est-ce qu'elles amènent ? Des règles dont Allah n'a jamais révélé, jamais enseigné par le prophète alayhi wassalam. Il est dit que l'un de ces gens qui prétendent ce genre de règles, je crois que c'était un Égyptien de l'Azhar, il s'est retrouvé au Japon pour da'wah, pour le prêche. Et il a appris aux Japonais qui devenaient musulmans, il leur apprenait le dogme. Et il leur a dit, dans le dogme, on ne prend que les hadiths mutawatir. Les hadiths ahad, on ne les prend pas. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui le rapportent. Ces personnes, elles faisaient preuve d'intelligence et de bon raisonnement. Ils l'ont regardé, ils l'ont dit, alors retourne d'où tu viens, il revient avec plusieurs personnes pour nous prouver que l'islam, il est bien authentique. On ne peut pas prendre de toi, tu es tout seul. On ne peut pas croire en ta religion. Puisque la croyance, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas envoyé des compagnons prêcher ? N'a-t-il pas envoyé Hudhayfa ibn al-Yaman tout seul au Yémen ? Tout seul au Yémen ? Et il lui a dit que la première chose à laquelle tu les invites, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est la croyance. Si un homme ne suffisait pas, pourquoi le prophète il envoie un seul homme prêcher ? Subhanallah. Et là, le problème d'avoir des convictions et des croyances à l'avance, puis puiser dans les textes ce qui va confirmer, ce qui va argumenter cette croyance, cette conviction. Ça, c'est un procédé qui est interdit en islam. On n'a pas le droit de croire comme on veut, d'avoir des convictions comme nous on veut. Puis on puise dans les textes ce qui va prouver notre idée. Non, on croit en ce qui nous a été rapporté. À la base, on n'a pas. C'est le domaine de l'invisible. Et lorsqu'on a des textes, on y croit. Tayyib. Thalithan, troisièmement. At-taslim bima ja'a bihi al-wahy wa 'adamu raddihi bil-'aql wa 'adamu al-khawd fi al-umur al-ghaybiyya allati la majala lil-'aql fiha. La soumission face à ce qui nous était rapporté dans la révélation. On se soumet. Allah nous dit, son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on se soumet, on accepte avec soumission et on ne rejette pas et on ne contre pas ce qui nous a été rapporté par la raison. Et on ne s'attarde pas à essayer de trop réfléchir ou de trop discuter ou de polémiquer sur les questions qui ont attrait au monde de l'invisible, alors que c'est un monde dont la raison ne peut assimiler et ne peut atteindre. Rabi'an, quatrièmement, عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة. Et n'entre pas dans ce que certains appellent des sciences, mais qui sont des fausses sciences, qui sont la rhétorique et la philosophie. A eu raison Ibn Taymiyyah rahimahullah lorsqu'il dit que les plus ignorants dans le domaine divin, ce sont bien les philosophes. Tellement qu'ils se croient intelligents, tellement qu'ils se croient avoir atteint un degré, qu'ils se croient au-dessus d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wal'iyadu billah. Les athées, les laïcs, c'est qui leur référence quand ils parlent? Ce sont les philosophes. Ils appellent ça une certaine époque, ce sont les années des Lumières. Genre avant, les gens étaient dans les ténèbres. Ils reprennent ce qui est dit dans la religion. Le polythéisme, la mécréance, c'est ça les ténèbres. Et le monothéisme et la croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est ça la lumière. Et Allah nous fait descendre un livre et il nous envoie un prophète pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et qu'est-ce qu'ils disent sur les croyants véritables? Ils disent que eux, ils sont arriérés, ils sont dans les ténèbres et que soi-disant eux, ils sont illuminés. Mensonge de leur part. Remettons à chacun sa véritable étiquette. Subhanallah. Et donc leur référence dans leur façon de penser, ce sont les philosophes. Comme si les philosophes étaient des prophètes. Parce qu'ils savent, en tant que mécréants athées, qui combattent toute religion, ils savent très bien que les philosophes sont les plus loin dans le domaine divin. Mais au fond d'eux, ils savent qu'il y a un créateur. Ils savent qu'il y a un véritable Dieu. Mais l'orgueil et l'ingratitude par laquelle ils sont touchés les empêchent de voir clairement cette vérité. Khamisen, cinquièmement. Donc il n'y a pas d'étonnement à voir certains soi-disant prêcheurs qui prêchent l'islam, entre guillemets, faire de telle et telle et telle erreur, comme Tariq Ramadan, qui est docteur en philosophie. On n'est pas étonné du résultat. Khamisen, cinquièmement, rafd al-ta'wil al-batil, le rejet de l'interprétation fausse. Sadisen, sixièmement, al-jam'u bayn an-nusus fi al-mas'alati al-wahida. Tout ce qu'on vient de voir, les points, ça c'est d'un point de vue résumé les règles sur lesquelles sont ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Et c'est ce qui préserve la foi et le dogme d'être pur. Il n'y a rien de rajouté dedans. On a la croyance comme celle qu'avait le prophète sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Sixièmement, sur une même question, il rassemble tous les textes qu'il y a là-dessus qui parle de ce même sujet pour ne pas mettre en application certains textes et rejeter d'autres textes comme certains le font. Non, on prend tous les textes et on essaie de les rassembler pour les mettre convenablement en pratique. فهذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي. Donc, cette aqida, ce dogme provient d'une source qui est pure. Kitab Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette source qui est pure, c'est le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ba'idatan 'anil ahwa'i wa shubah. Très loin de toute forme de passion ou d'ambiguïté. Fal mutamassik biha yakun mu'azziman li nusus al-kitab wa sunnah. Donc celui qui est cramponné à cette aqida qui découle de cette source pure, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam, celui qui est attaché fortement, fermement, celui-là, il a vraiment magnifié les textes du livre et de la sunna. لِأَنَّهُ يَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهَا حَقٌ وَصَوَابٌ. Car il sait que tout ce qui s'y trouve dans le Coran et dans la sunna est vérité. Ce n'est que le vrai qu'il y a dedans. Des gens tellement qui se sont égarés dans les sectarismes, se sont égarés de la vraie croyance, qu'il y en ait dans l'histoire, parmi eux qui ont dit « si seulement je pouvais, j'avais la capacité d'enlever certains passages du Coran pour prouver sa croyance qu'elle est bonne, pour prouver que les autres, les gens de la vérité, leur croyance est fausse. » Mais les gens de la vérité se basent sur le livre d'Allah et ils voient qu'il y a des versets. Si seulement ils pouvaient les enlever pour leur dire « regarde dans le Coran, il n'y est pas ». Mais il ne peut pas, car le Coran est préservé par Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais regardez l'idée qui trotte dans leur tête, subhanallah, d'enlever des passages du Coran pour défendre une idée qu'ils ont, subhanallah, qui est fausse. قال الإمام البربهاري رحمه الله. L'imam al-Barbahari du 3e et 4e siècle de l'Égypte, un grand imam de la Sunna, qui a un ouvrage qui est très connu, qui s'appelle Sharh al-Sunna, l'imam al-Barbahari, rahimahullah. Il dit rahimahullah, il est traduit en français, mais par un titre qui peut prêter à confusion, mais ce sont des paroles qui sont dans le début du livre. Je crois qu'ils l'ont traduit par l'islam et la Sunna et l'islam. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce titre-là. Voilà, c'est ça. Donc, le livre, en vrai, c'est Sharh al-Sunna. C'est l'explication de la Sunna. Et ça revient au même. Hein. L'islam, c'est bien la Sunna. Et la Sunna, c'est bien l'islam. قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق wa ahluhu. Donc l'imam al-Barbahari rahimahullah dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde que la religion, c'est ce qui nous est parvenu d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça la religion. Ça nous provient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas l'idéologie d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, et ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne qui l'a ramené. Non, il a transmis ce qu'il a reçu comme révélation. Il a transmis le message de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comme certains orientalistes qui font exprès de parler un certain langage, mais qui est une erreur. Quand lorsqu'ils disent, l'islam, c'est la religion qu'a ramené Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la religion inventée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et certains, parfois, peuvent ne pas faire attention à ce genre de phrases qui sont dangereuses. Non, c'est faux. L'islam, c'est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il a agréé pour ses créateurs, subhanahu wa ta'ala, et il a envoyé tous les prophètes avec l'islam, et le dernier des prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec l'islam, qui est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, la religion, c'est ce qui nous est parvenu d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci n'émane pas, ne vient pas, ne découle pas des raisonnements des hommes et de leurs opinions. Et sa science, la science de la religion, elle est auprès d'Allah et auprès de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne suis pas ta passion, ta propre passion, car en faisant cela, tu dévieras de la religion et tu en arriveras à quitter l'islam. Et tu n'auras aucune preuve, aucun argument en ta faveur. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a bien clarifié sa sunna à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et ses compagnons, ce sont eux qui forment le groupe de la communauté. Et le groupe de la communauté, c'est la vérité et ses adeptes. وقد قال قبل ذلك رحمه الله في كتابه شرح السنة et il a dit avant cela toujours dans son livre شرح السنة c'est-à-dire l'imam al-Barbahari رحمه الله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فَقَدْ ضَلَّ وَبْتَدَعْ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهُ Il dit, et le fondement sur lequel, ou la base sur laquelle est fondé le groupe, ce sont les compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux, ahlu sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna, les adeptes de la sunna et du groupe. Celui qui ne prend pas d'eux, celui qui ne se ressource pas auprès d'eux, celui-là sera égaré et il aura innové. Et toute innovation est un égarement. وَقَالَ أَيَّ الْإِمَامُ الْبَرْبَهَارِ Et il dit encore, الْإِمَامُ الْبَرْبَهَارِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ عُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي ضَلَالَةٍ ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكمها أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع Le prince des croyants, le deuxième calife de l'islam, le grand compagnon, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dit il n'y aura pas d'excuse pour une personne qui a été dans l'égarement en pensant que cet égarement c'était la guidée de même qu'il n'y aura pas d'excuse pour une personne qui a délaissé qui a quitté une guidée en pensant que c'était un égarement car toutes les choses ont bien été clarifiés et la preuve a bien été affirmée et à ce moment-là il n'y a plus d'excuses et ceci parce que la sunna et le groupe ont bien été expliqués par la religion et c'est toute la religion et ceci a été clarifié aux gens et il est demandé aux gens le suivi voilà ce qu'il leur est demandé il leur est demandé de suivre قلتو je dis c'est l'auteur qui parle فمن مميزات المنهج السلفي parmi les particularités de la voie salafie de la voie de ceux qui suivent les pieux prédécesseurs رحمهم الله اولا premièrement ثبات اهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عاده اهل الاهواء c'est que les adeptes Les suiveurs de la vérité, ils y restent fermes. Ils sont raffermis là-dedans. Et ils ne dévient pas. Ils ne sont pas perturbés comme c'est l'habitude des adeptes de la passion. Hein, les adeptes de la passion, un jour ils sont à droite, un jour ils sont à gauche, un jour ils sont devant, un jour ils sont derrière. C'est-à-dire, un jour ils sont dans telle secte, un jour ils sont dans telle secte, ils ne savent plus. Ou mettre la tête. Ils ne savent plus dans quoi rentrer. Eux-mêmes, ils sont dans le doute. Wal'iyadu billah. Et nous, on est sur une certitude de cette vérité. Un homme est venu voir l'imam Malik, rahimahullah. Il lui a dit, oh imam, je veux te confronter. Il lui a dit, qu'est-ce qui arrive alors si jamais je te bats dans cette confrontation? Et il lui a dit, bah, je te suivrai. Il lui a dit, mais si c'est toi qui me bats? Il a dit, bah, là, tu devras me suivre. D'accord. Mais si nous deux, on rencontre quelqu'un qui nous bat, eh bien, on se devra de le suivre. Alors, l'imam Malik le regarde et lui dit, donc, ça voudra dire que du jour au lendemain, notre religion, elle change. Va vers quelqu'un qui est dans le doute comme toi, car moi, je suis sur une certitude de ma religion. Moi, je n'ai pas de doute. C'est toi qui es dans le doute. Tu es quelqu'un de perturbé. Tu as des problèmes. Ton suivi de la passion, voilà ce qui t'a amené. Les innovations, voilà où ils t'ont amené. Subhanallah. C'est comme un chir, mais qui, dans le domaine du dogme, n'avait pas la bonne croyance. Et il dit dans son cours que Allah n'est pas élevé autour de son trône. Et un de ses élèves, il lui dit, professeur, mais pourquoi dans notre fort intérieur, lorsqu'on a besoin d'Allah, on penche vers le haut, on regarde vers le haut? Et le professeur a dit, je ne sais pas quoi répondre. Tu peux m'expliquer pourquoi de notre fitra, de cette nature, on a un penchant vers le haut? C'est comme si notre fitra lui dit que Allah, il est au-dessus de nous. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. قال حذيفة لأبي مسعود إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. حذيفة رضي الله عنه dit à Abu Mas'ud rahimahullah, l'égarement, c'est que tu reconnaisses, c'est-à-dire que tu considères comme bien ce qui auparavant était pour toi un mal, et que tu reconnaisses comme mal ce qui était un bien auparavant pour toi. Et attention et au déplacement dans la religion, attention aux déviances dans la religion. At-talawun, c'est de changer de couleur. Mais c'est une façon de dire, une fois t'es là, une fois t'es là, une fois t'es là, une fois t'es là, tu ne tiens pas sur quelque chose. Car, et il dit attention à cela, car la religion d'Allah n'est qu'une. Il n'y a qu'une seule religion. Wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah. Wa bil jumla. Fathabatu wa listiqraru في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, et en résumé, de rester ferme et clair dans le chemin concernant les adeptes du hadith et de la sunna, il est bien connu que Ahl al-Sunnah sont ceux qui sont le plus fermes et le plus droit dans leur chemin. Ils ne bougent pas. Et en nombre, ils sont bien plus nombreux que ce qui arrive aux gens de la rhétorique et de la philosophie. Wa qala aydan, et il dit aussi Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna ma 'inda 'awam al-muslimin wa 'ulama'ihim ahl al-sunnah wal jama'ah min al-ma'rifa wal yaqin wat tuma'nina والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. Et il dit aussi Ibn Taymiyyah rahimahullah, ce qu'on retrouve chez la masse des musulmans et chez leurs savants parmi les adeptes de la sunna et du groupe, on trouve chez eux de la connaissance, de la certitude, de l'apaisement et d'être sûr, d'être dans la vérité et de parler avec fermeté. Et ils n'ont aucun doute que ce sur quoi ils sont est bien le vrai. Ça, c'est une question qui ne peut être remise en cause si ce n'est par une personne qu'Allah lui a enlevé la raison et la religion. Ça, même l'ennemi, il en témoigne que ce sont les gens les plus fermes dans leur chemin, parce que c'est le droit chemin et la voie droite. Thaniyan, deuxièmement, wa min mumayyizatihi aydan, et parmi leur particularité, ittifaqu ahlihi ala al-aqida wa adam ikhtilafihim Une particularité importante, c'est que les adeptes de la sunna et du groupe, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs, ils sont unanimes dans le domaine du dogme. Et ils ne divergent pas là-dedans, même si ils ne sont pas ensemble d'un point de vue dans le temps ou dans l'espace. Même quelqu'un, il est à tel endroit de la terre, l'autre à l'autre endroit de la terre. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils sont sur le même dogme. Parce que la source, c'est la même. C'est la source du Coran et de la Sunna, et ce sur quoi étaient les plus prédécesseurs. Même si ce n'est pas la même époque, mais ils parlent du même dogme. Thaniyan, deuxièmement. Naam. Thalithan, troisièmement. Wa annahum a'lamu an-nas بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. Troisième particularité, c'est qu'ils sont les plus connaisseurs. Ce sont ceux qui ont le plus de science concernant les états du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont ceux qui font le plus attention dans la distinction entre les textes de hadith, entre ce qui est authentique de ce qui est faible, ce qui est acceptable de ce qui est rejeté. Et de là, ils sont ceux qui ont le plus d'amour pour la sunna et ceux qui ont le plus envie, l'envie de suivre cette sunna. Et ça, parfois pour certains, c'est un reproche. Alors qu'en vérité, ce sont des éloges. Ah mais vous, c'est toujours la sunna, alhamdulillah. Que tu témoignes que pour nous, c'est la sunna. C'est un grand témoignage, alhamdulillah. Il y a de quoi en être fier. Mais pour vous, c'est toujours les hadiths. Alhamdulillah, vous témoignez qu'on vit avec les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ce sont que des éloges. Là où certains pensent que ce sont des critiques, mais au final, ce sont des éloges. Mais pour vous, c'est toujours aqida. Alhamdulillah, que vous témoignez en notre faveur que nous, on se préoccupe de l'aqida, qui est le dogme, qui est la source même et la base et la balance de l'acceptation des œuvres ou du rejet des œuvres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce sont que des bonnes critiques en notre faveur. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et ce sont ceux qui ont le plus d'alliance envers les adeptes de la sunna. Yaqulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Fa innahu متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. Donc il dit, et du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus parfait parmi les créatures et le plus connaisseur des vérités et le plus juste dans les paroles et dans ses états. Cela nous amène que la personne qui suit convenablement la sunna, qui suit les hadiths, cette personne, eh bien, c'est la personne qui connaît le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celui, parmi les créatures, celui qui connaît le plus. Et c'est celui qui a le plus grand suivi et la plus grande conformité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, il est la meilleure des personnes. Rabi'an, quatrièmement. I'tiqaduhum anna tariqata as-salaf as-salih hiya al-aslam wal-a'lam wal-ahkam. Ils ont la conviction, certitude, que la voie des pieux prédécesseurs, c'est la voie la plus saine. Là où se trouve la plus grande science et c'est la voie la plus sage. La kama yad'ihi ahlul kalam, non pas comme le prétendent les adeptes de la rhétorique et de la philosophie. Anna tariqat as-salaf aslam wa tariqat al-khalaf a'lam wa ahkam. Lorsqu'ils ont dit que la voie des pieux prédécesseurs, elle est plus saine, mais la voie des successeurs, la voie de ceux qui sont venus plus tard avec de nouvelles paroles, de nouvelles idéologies, celle-là, elle comporte plus de science et plus de sagesse. Ce sont des paroles qui sont fausses. Ils pensent que parce qu'ils ont beaucoup détaillé, qu'ils ont beaucoup parlé, que ça veut dire qu'ils ont de la science. Mais ce n'est pas toutes les paroles qui sortent de la bouche, c'est de la science. Combien il y a de faussetés, combien il y a de mensonges, combien il y a de grossièretés, combien des paroles. Le meilleur entre celui qui parle futilement et celui qui se tait, c'est celui qui se tait. Si la parole était faite d'argent, le silence serait d'or. Subhanallah. Et les gens, et les pieux prédécesseurs parlaient peu, mais c'était des paroles qui valent de l'or. Ceux qui sont venus après parlent beaucoup. Et combien il y a d'erreurs dans leurs paroles. وقد رد شيخ الإسلام هذه الفرية ابن تيمية رحمه الله le cheikh de l'islam a réfuté, a répondu à ce mensonge. فقال et il dit لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. Cheikh Al-Islam Taymi rahmallah, en répondant à ces gens, il dit: certes, ils ont menti sur la voie des pieux prédécesseurs et ils se sont égarés lorsqu'ils ont authentifié la voix de ceux qui sont venus après. En faisant cela, ils ont rassemblé, ils ont amassé entre l'ignorance de la voix des pieux prédécesseurs et le mensonge à leur encontre. Et entre l'ignorance et l'égarement lorsqu'ils ont authentifié la voix de ceux qui sont venus après. Khamisan, cinquièmement. Wa min mumayyizatihim. Et parmi leurs particularités, hirsuhum ala nashri al-aqidati as-sahiha wad-din al-qawim wa ta'lim an-nas wa nushihim war-radd ala al-mukhalifin wal-mubtadi'in. Leur attachement, leur engouement à propager le dogme authentique, la véritable croyance et la religion au sein des gens. Pas comme disent les frères musulmans et leurs semblables. L'aqida, c'est une histoire de 10 minutes. A'udhu billah. Déjà, premièrement, ils ne connaissent pas l'aqida authentique. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont employé le terme 10 minutes. En plus, ils ne connaissent pas bien la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui toute sa vie a propagé l'aqida et qui était le combat entre les prophètes et leur peuple. Mais puisqu'ils sont préoccupés par la politique et par les partis politiques, la aqida n'a pas une grande place chez eux. Wal'iyadhu billah. Alors si eux n'ont pas compris la aqida, alors qu'ils viennent s'asseoir pour apprendre la aqida, ce serait bien meilleur pour eux que de dire des mensonges sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont un engouement à enseigner aux gens et à les conseiller. Et aussi ils ont un engouement à réfuter et à répondre à ceux qui vont à l'encontre de la vérité, ceux qui vont à l'encontre de l'aqida authentique, ceux qui vont à l'encontre de la sunna, ceux qui vont à l'encontre de la voie des pieux prédécesseurs. Et ils répondent aussi, ils réfutent les innovateurs. Sadisen, sixièmement, wasatiyatuhum bayna al-firaq. Le fait que au sein des sectes, ils sont dans le juste milieu. Et les sectes sont dans une des deux extrêmes. On entend de temps à autre des gens qui disent « Il ne faut pas réfuter, il ne faut pas parler. » Mais ces gens-là, ils parlent de quelle religion quand ils parlent comme ça? L'islam, parmi ses règles, il y a la réfutation par les gens qui en ont la capacité, qui en ont la connaissance de réfuter le faux et le mal. Et la réfutation, dans le domaine mondain, tout le monde l'applique. Tu veux réparer ta voiture. On te parle d'un mécano. Tu demandes à des gens, vous connaissez ce mécano? Ah non, non, non, on lui a passé notre voiture, ça a été un désastre. C'est pas une réfutation? C'est une réfutation. Parfois même de la mise en garde. Un homme, il vient à demander qu'on s'associe avec lui pour un commerce. Des gens viennent, ne vous associez pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait un désastre dans telle ville, telle ville, telle ville. Il s'associe avec des gens, il voit ce qu'il a fait. Et les gens vont dire quoi? Cet homme-là qui les a prévenus, barakallahu fik, on ne le savait pas. Ils vont être contents. Et ça, c'est pour des questions mondaines. Que dire alors des gens qui viennent vous tromper dans la religion? Des gens qui viennent vous apprendre un dogme qui n'est pas authentique? Qui viennent à vous apprendre des innovations? N'est-ce pas que là, la réfutation, elle est encore plus demandée? Mais comme ces gens ont peur de recevoir une quelconque réfutation, ils veulent fermer la porte. Mais les pauvres, ils disent il ne faut pas réfuter, alors que eux-mêmes ils réfutent, puisqu'ils disent n'écoutez pas ces gens qui font la réfutation. En disant ça, ils ont fait une réfutation. Subhanallah. Vous interdisez aux gens ce que vous-même vous faites. C'est vraiment bien étonnant. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Donc, les gens, les suiveurs des pieux prédécesseurs, ils sont sur le juste milieu. Yaqul Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ahl sunnati fil Islam ka ahl al-Islam bayn al-milal. Les gens de la sunna par rapport aux autres tendances, aux autres groupes, aux autres sectes, c'est comme l'islam par rapport aux autres doctrines et aux autres religions. L'islam par rapport aux autres religions, c'est le juste milieu. Et à l'intérieur de l'islam, Ahl Sunna sont dans le juste milieu par rapport aux autres tendances et aux autres sectes. Wa qala aydan, et il dit aussi, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, fahum wasatun fi babi asma'illah bayna ahli at-ta'til al-jahmiyyah wa ahli at-tamthil al-mushabbiha. Ils sont dans le juste milieu, dans le chapitre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre la secte des Mu'attila, al-Jahmiyyah, et la secte de al-Mushabbiha, qui donne ressemblance au Créateur. وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْقَدَرِيَّ وَالْجَبْرِيَّ. Et ils sont dans le chapitre concernant les actes d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le domaine du destin, de la prédestination, entre la secte des Qadariyah qui renie le destin et la secte de l'Jabriyah qui disent qu'Allah n'a rien à voir avec les actes des créatures. Non, excusez-moi. Qui disent, al-Jabriyah, c'est ceux qui disent que l'homme n'est pas responsable de ses actes, mais il a été forcé à faire ce qu'il fait. C'est Allah qui l'a forcé et il n'a aucune volonté de sa part. Et les autres, al-Qadariyah, qui renient le destin, ils disent Allah n'a rien à voir avec les actes des créatures. Et les créatures ont une volonté indépendante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Égarement, un extrême, égarement, un extrême, Ahl Sunna sont dans le juste milieu. Wa fi bab al-wa'id bayn al-murji'a wal-wa'idiyya min al-qadariyya wa ghayrihim. Et sur le chapitre des menaces, il y a ce qu'on appelle les textes qu'on appelle al-wa'd et les textes qu'on appelle al-wa'id. Al-wa'd, c'est la promesse. Al-wa'id, c'est la menace. C'est-à-dire les textes qui nous parle du paradis, qui nous parle de la miséricorde, ça ce sont les promesses. Et la menace, le châtiment, la punition, le feu de l'enfer, ça ce sont les textes de la menace. Certains se sont attachés à cette première catégorie de textes. Et ils disent, Allah il est pardonneur. C'est pas grave ce qu'on fait, c'est pas toi qui me pardonne, c'est Allah qui me pardonne. T'es pas mon Dieu. Voilà, et puis il continue comme ça. Il vit avec la promesse. Et de l'autre côté, on a ceux qui sont dans la menace. Ça y est, pour eux, tout le monde est perdu. Ça y est, c'est fini. On ne va pas avoir la clémence. C'est foutu pour lui. Ça y est, il sera dans le feu de l'enfer. Il sera dans le châtiment. Il ne pense même pas à la promesse, au pardon d'Allah, à la clémence d'Allah. Donc, un égarement qui est dans un extrême et un égarement qui est dans un extrême. Les gens de la sunna sont dans le juste milieu. Il y a la promesse et il y a la menace. Il y a de l'espoir et il y a de la crainte. Et ils avancent avec ces deux. Donc, ils sont dans le juste milieu concernant les textes de la menace entre Al-Murji'a, qui eux vivent avec la promesse, et Al-Qadariya, et ainsi que Al-Khawarij, qui aussi, eux, se basent surtout sur les textes de la menace. وفي باب اسماء الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله et sur le chapitre concernant les jugements dans le domaine de la foi et de la religion entre al-haruriyya c'est un des noms de al-khawarij les kharijites et al-mu'tazila wa bayna al-murji'a wal-jahmiyya et entre les murji'a et les jahmiyya وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج et dans ce qui concerne le chapitre des compagnons la position à avoir sur les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم entre les chiites et les خوارج منهج أهل البدع والأهواء La voie des adeptes de l'innovation et des passions تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة Donc nous avons vu précédemment on vient de voir la voie des pieux prédécesseurs dans le chapitre du dogme وأهم مميزاته et les plus importantes particularités les concernant وأن أهم ما يميز المنهج السلفي في العقيدة est que la particularité la plus importante dans la voie du suivi des pieux prédécesseurs dans le dogme هو حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح et c'est de restreindre cette grande particularité c'est le fait de restreindre le ressourcement pour le dogme dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cela soit paramétré par la compréhension des pieux prédécesseurs wa ala al-aks min thalika منهج أهل الأهواء والبدع. Et contrairement à ce qu'on vient de voir dans le chemin, la voie des plus prédécesseurs, il y a la voie des adeptes des passions et de l'innovation. فَإِنَّ مَصْدَرَ التَّلَقِّي عِنْدَهُمْ لَيْسَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ Pour eux, la source dans laquelle ils vont chercher la religion, la croyance. Ce n'est pas le livre d'Allah ni la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, c'est l'innovation, l'invention ramenée par leurs imams et leurs shuyukh. Ne me dites pas, mais des fois on les entend, ils disent qala Allah, qala Rasulullah. Ils font ça après avoir eu la croyance. Donc ils ne se sont pas ressourcés. Ils ont eu une conviction, puis ils ont été chercher ce qui va prouver leur dogme pour que les gens acceptent. Parce que les gens sont en droit de dire, mais au fait, ce que tu dis, il existe dans le Coran et dans la Sunna, il va aller chercher. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Mais comment ça se fait que tu n'as été chercher qu'après ? C'était avant qu'il fallait chercher. Donc, le fait qu'ils font ça et qu'ils ramènent un argument, et ils ne se sont pas ressourcés dans le livre de la Sunna. Ça, ça a été qu'un plus pour s'argumenter. Et allez voir l'argumentation, comment elle se fait et avec quelle compréhension elle se fait. Et même si la parole qu'ils disent, elle est, au final, elle est vraie, ben ils ont commis une erreur. Et quelle erreur ! Le cheminement qu'ils ont pris n'est pas le bon cheminement. ثم وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم ثم تأويل الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم. Puis après, ils vont à interpréter le livre et la sunna pour être en conformité avec leurs passions. Ils font tout pour que les textes soient en conformité avec leurs passions. Alors qu'il nous est demandé à nous d'être en conformité avec le livre de la Sunna. Subhanallah. Et du fait aussi qu'ils s'en remettent à la raison. Et aussi qu'ils s'en remettent aux hadiths faibles, aux hadiths qui sont inventés, qui n'ont aucune origine et qui sont des mensonges dits à l'encontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man kathaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Que celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Wattiba'uhum lil mutashabih. Et leur suivi de ce qui prête à équivoque. Ils suivent des versets qui ne sont pas très clairs et qui peuvent prêter à plusieurs explications. Et ils s'attardent là-dessus. Ceux qui font ça, ce sont ceux qui ont une maladie dans le cœur. Comment on le sait ? Parce que c'est Allah qui nous l'a dit dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, ramène-moi le Coran en français. Au début de la sourate Ali Imran, donc au début de la sourate Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala dit: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Dans le sens du verset, Allah nous dit: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il se trouve dans ce livre des versets sans équivoque, des versets clairs, explicites, qui n'ont qu'une seule compréhension et explication. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. C'est ça le mutashabih. Puis Allah, il dit: les gens qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, ceux qui ont un cœur malade, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science, disent les grands savants, ceux qui sont versés dans la connaissance, disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. En récitant ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Lorsque vous verrez ceux qui vont suivre, ceux qui prêtent à équivoque, voilà que ceux qu'Allah a nommés. Voilà ceux qu'Allah a nommés, alors méfiez-vous d'eux. Je vous mets en garde contre eux. طيب وتحريفهم للأدلة وتأويلها تأويلا فاسدا. Et leur altération, ils altèrent les preuves, les arguments, et ils leur donnent une interprétation qui est mauvaise et qui est fausse. قال ابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم le grand élève d'Ibn Taymiyyah رحمه الله dit: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. Et d'un point de vue, en résumé, en conclusion, la division qu'il y a eu chez les gens du livre en 71 et en 72 tendances, et la division qui a lieu dans cette communauté en 73, ceci a été amené. Cette division, d'où elle vient à la base? Elle vient à cause de l'altération et de la mauvaise interprétation. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. L'imam Ibn Abi al-Izz du 8e, 9e siècle de l'Égypte, un grand savant, commentateur de l'Aqidah al-Tahawiyya, il dit: وَهَلْ خَرَجَتِ الْخَوَارِجِ وَاَعْتَزَلَتِ الْمُعْتَزِلَةِ وَرَفَرَتِ الرَّوَافِضِ وَافْتَرَقَتِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ إِلَّا بِالتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ. Et est-ce que les Khawarij sont sortis, se sont soulevés, et les Mu'tazila se sont mis de côté? Ça vient de là le terme i'tizal, parce que leur fondateur, il s'est isolé, il s'est mis de côté, il ne s'assied plus dans l'assemblée de l'Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, le grand imam tabi'i. Et de là est né l'i'tizal. I'tazala, c'est de se mettre de côté, de ne plus rester dans l'assemblée. C'est le fait de se mettre de côté. Et de là vient le nom de Al-Mu'tazila. Et est-ce que le refus des Rawafid, des chiites, ceux qui ont refusé l'imama d'Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhuma, et le califat de ses grands compagnons, et le califat de Uthman, radiallahu anhu, et le califat de Muawiya, et ainsi de suite. Hein, ce refus est la base même de la naissance du chiisme. Après, ils ont inventé des choses et des innovations abominables. Et est-ce que aussi la division de la communauté en 73 tendances n'est-il pas du tout ceci? Ne vient-il pas de la mauvaise interprétation? La mauvaise interprétation, le suivi des textes qui prêtent à équivoque, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ce sont ceux qui ont une inclination vers l'égarement, ceux qui ont les cœurs malades. Les voilà ceux qui penchent vers cela. Et cela est interdit. فَهَذَا الْمَنْهَجِ الَّذِي سَلَكَهُ أَهْلُ الْأَهْوَى وَالْبِدَعِ مُخَالِفِ لِمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي النَّظَرِ وَالْإِسْتِدْلَالِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ عَوَامِلْ تَفَرُّقِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. Donc, la voie, le cheminement qui a été entrepris par les adeptes de la passion et de l'innovation est en totale contradiction avec la voie, le cheminement des adeptes de la sunna et du groupe, que ce soit dans la réflexion ou dans la façon de s'argumenter. Et voilà une des plus grandes raisons ou une des plus grandes causes qui a amené la division, le schisme dans la communauté islamique. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.